les martyrs de la conscience supramentale. Quand que je parle de martyrs, je parle dans le sens de gens qui vont souffrir, vont vivre un tourment, qui vont se sentir également victimes par rapport à une conscience qui se manifeste à eux suite à un choc, donc un événement traumatique, un événement difficile qui les amène à s'éveiller. Parce que plus on dort profondément, et plus ça nous prend un choc qui est fort pour nous réveiller. Donc, imaginez quelqu'un qui dort d'une manière très lourde, un sommeil très lourd. Donc, c'est sûr que si on lui dit, on le murmure à l'oreille, « Réveille-toi », c'est peu probable que ça fonctionne. Par contre, si on prend une chaudière remplie d'eau et qu'on lui verse sur la tête le contenu de la chaudière, il y a des bonnes chances qu'il se réveille et il y a également des bonnes chances qu'il ne soit vraiment pas content au moment de son réveil. Et c'est la chose que vivent beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire que beaucoup d'êtres humains qui, suite à un choc, un événement traumatique extrêmement difficile, vont entrer en contact avec l'énergie du supramental qui va établir avec eux une communication psychique. Parce que l'énergie du supramental a sa propre conscience. Et pour entrer en contact avec elle, il faut s'intérioriser. Et la problématique que les êtres humains connaissent sur Terre présentement, c'est que la plupart d'entre nous, on est hyper stimulés par notre environnement. Et ça va pas s'arrêter avec le développement des nouvelles technologies. Je regarde, entre autres, les jeunes qui sont très stimulés par ce qu'on appelle les téléphones intelligents. Pour ma part, j'aime pas cette appellation. Je préfère l'appellation téléphone multitâche, mais tout ce qui est écran tactile, les tablettes, les ordinateurs et aussi les cellulaires, ça attire beaucoup l'attention. Ensuite, la télévision, ensuite, il y a les sports extrêmes. Donc, les gens ont tout le temps, en général, l'attention dispersée de leur intériorité. Et pour ramener l'attention sur leur intériorité, bien, ça prend des événements choc. Et lorsque les gens sont confrontés à des événements difficiles qu'ils n'ont pas choisis en tant qu'ego, eh bien, ils deviennent dans un état de souffrance qui me fait penser un peu à celle que peuvent vivre les martyrs qui sont tourmentés. Et pour moi, de toucher à la conscience supramentale, dans ma vie, ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, ça a été suite à des souffrances extrêmement difficiles. Dans mon cas, à l'âge de 17 ans, il a fallu que je voie mon père dépérir et mourir d'un cancer. Donc, c'était l'élément déclencheur. Pour d'autres personnes, ça peut être une perte d'emploi, une rupture amoureuse. Donc, il y a différents événements choc, comme une maladie grave. Donc, quelqu'un qui apprend du jour au lendemain qui est atteint du cancer, ben, il est obligé de s'intérioriser. Il est obligé aussi de réaliser qu'à quelque part, c'est pas lui qui contrôle toute sa vie avec son ego. Donc, il y a des changements qui s'opèrent et qui font pas plaisir à l'ego. Donc, être confronté à un événement difficile, dans certains cas, ça amène un niveau élevé d'anxiété, des crises d'angoisse, un état de dépression. Donc, d'ailleurs, beaucoup de gens qui vivent un processus de conscientisation, c'est suite à un état de dépression. Il faut regarder les choses en pleine face, là. C'est pas... en assistant à un atelier sur la méditation, qu'on vous dit de prendre des respirations, puis qu'on va vous ouvrir vos chakras. Non, non. C'est suite à des événements désagréables que vous n'avez pas choisis, parce que sans ça, ça serait facile de se conscientiser. Il suffirait tout simplement à écouter un conférencier parler de conscience, puis whoop, on devient conscient ou participer à un atelier de yoga où on fait quelques mouvements. Bien que les ateliers et les conférenciers peuvent avoir leur utilité, mais... l'élément initiateur là, qui entame le contact entre la conscience supramentale et l'ego, c'est pas des événements qui sont faciles d'accès par rapport à l'ego, parce que sans ça, ils gardent le statu quo. Donc, autrement dit, la personne qui, par désir subjectif, désire être conscient, qui va à une conférence nouvel âge et qui n'a pas l'intention de changer sa mentalité ou son fonctionnement, bien au niveau psychique, il va intégrer certaines notions, mais c'est tout. Tandis que si la personne est confrontée à un événement difficile qui ne lui laisse pas le choix d'apporter un changement intérieur, bien là, eh bien sa psyché est obligée de transmuter parce que c'est de l'ordre de la nécessité. Donc, c'est très différent, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers les événements difficiles de la vie, que ce soit perte d'être cher, maladie grave, etc., il y a seulement un certain nombre de personnes qui vont être capables de passer à travers ces initiations, n'ayons pas peur des mots ici, et qui vont devenir des initiés, et qui vont être capables de développer des capacités psychiques comme la télépathie, la voyance et faire de la lecture vibratoire suite à l'événement choc qui occasionne une intériorisation. Mais il y en a beaucoup qui, face à des événements difficiles, ne passent pas à travers. Donc ça, c'est à prendre en considération dans le sens qu'il y a un certain pourcentage de gens qui vont se suicider ou qui vont rester dysfonctionnels le reste de leur vie en ayant des problèmes de santé extrêmement graves. Parce que pour eux, l'événement difficile, ils ont de la difficulté à l'assumer en tant qu'ego. Ils ont de la difficulté à être capable de l'observer avec un recul, avec objectivité, de devenir éventuellement neutre par rapport à l'événement, donc se dépolariser psychologiquement par rapport à lui. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas capables. Donc, ça fait des gens qui vont rester invalides là, pour le reste de leur vie dans certains cas, avec des problèmes de santé mentale extrêmement graves. Il y en a certains qui vont retrouver leur fonctionnalité, mais pas totalement. Je pense entre autres à une personne que j'ai rencontrée. Donc, c'est un gars qui est atteint de schizophrénie paranoïde. Et il a été diagnostiqué de cette façon par un psychiatre. Et puis, j'ai discuté avec lui. Et des fois, il perd le fil de la conversation. Donc, des fois, il se met à rire, entre autres, tout seul. Donc, je discute avec lui. Je dis pas nécessairement quelque chose de drôle. Mais il va partir à rire tout seul. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une pensée d'une entité qui l'amène à rire. Et des fois, les gens très intériorisés vont vivre ça. Dans l'extérieur d'eux, il n'y a rien de comique qui se passe et ils se mettent à rire tout seuls. Des fois aussi, moi-même, ça m'arrive parce que je reçois des idées qui sont drôles. Et puis, dans le cas de la personne que je vous parle, la personne a été capable de faire des travaux légers dans milieu protégé, donc des travaux plus communautaires, mais de là aller sur le marché du travail et de faire face à la compétitivité qui s'y rapporte et les exigences de productivité, non, il n'est pas capable, il vit trop de tensions. Mais il a connu une forte intériorisation suite au fait qu'il a été victime de violences parentales, donc son père le battait. Et comme la personne était battue, la personne s'est repliée sur elle-même, parce qu'elle trouvait que l'environnement était hostile. Et là, ça l'a amené à s'intérioriser. Il est entré en contact avec l'esprit, sauf que il a de la difficulté à gérer la relation avec l'esprit dans le sens que, par exemple, lorsqu'on parle avec lui, il a de la difficulté à se concentrer parce qu'il reçoit des idées de l'esprit qui le divertit. Et il vit une forme de possession, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de s'empêcher de faire certaines actions ou certaines choses parce que c'est plus fort que lui, dans le sens qu'il n'a pas une volonté humaine suffisamment forte pour gérer adéquatement l'habitation. Donc, autrement dit, il subit la présence de l'esprit plutôt qu'être capable de gérer son énergie pour être en mesure de cohabiter intelligemment avec lui dans sa psyché. Parce que lorsque l'individu se conscientise et s'intériorise, il prend contact avec l'esprit ou des entités. Et là, il doit apprendre à gérer intelligemment leur rapport avec eux. Et ça, c'est quelque chose de pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, en étant en contact avec une volonté qui est différente de leur ego, qui peut provenir de leur esprit, vont s'assujettir à cette volonté et vivre en fonction de cette volonté plutôt que de développer leur propre volonté et d'être capable de contrôler leur rapport avec l'esprit. Donc, autrement dit, ils sont sous influence de l'esprit plutôt qu'être capable d'en faire une gestion intelligente pour ne pas en souffrir. Et ça, c'est la problématique que connaissent beaucoup de personnes qui vivent un processus d'intériorisation. S'ils vivent un état de possession plutôt que d'habitation, bien à ce moment-là, ils ont de la difficulté à avoir de la continuité. Il y a des gens qui vont passer du coq à l'âne, donc des colos, par exemple, de schizophrénie. La personne commence à parler d'un sujet, ensuite elle passe à un autre sujet. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit des pensées qui vont dans toutes sortes de directions et elle n'est pas capable de concentrer son attention sur quelque chose parce qu'elle n'a pas la volonté. Donc, elle est constamment dispersée par des volontés extérieures à elle, étant donné que sa volonté, elle n'est pas capable de l'affirmer pour faire une gestion totale de sa psyché. Donc ça, c'est une problématique qui fait en sorte que des gens qui sont dysfonctionnels. Ensuite, il y a des gens qui en font une intégration partielle. Donc, il y a des gens qui peuvent se mettre à écrire des livres, se mettre à faire des conférences, mais ils sont fascinés par leur contact avec leur invisible. Et à ce moment-là, ça peut les nuire, dans le sens que ça peut amener ces personnes-là à faire des actions qui vont leur être coûteuses en termes d'énergie ou d'argent. Donc, quelqu'un qui est fasciné par l'invisible, sur l'impulsion d'une idée qui provient de son esprit, peut publier un livre à des milliers d'exemplaires alors qu'il ne vérifie pas si ça va se vendre par la suite, ou il ne vérifie pas s'il y a un marché pour ça, il ne fait pas d'études de marché. Donc, il y a des gens qui se lancent dans des initiatives qui sont extrêmement coûteuses en temps, en énergie et en argent, bien entendu, là. Donc, ça fait partie des gens qui vivent une intégration partielle, dans le sens que leur intégration n'est pas totale parce qu'ils vivent une souffrance par rapport à l'esprit. Donc, ils sont encore des martyrs de la conscience supramentale, c'est-à-dire des êtres qui souffrent de ce contact avec l'invisible parce qu'ils n'en font pas une gestion adéquate. Ensuite, il y a un certain pourcentage qui réussissent à passer le choc de l'initiation initiale. Donc, l'événement difficile qui amène l'ego à changer dans son comportement, l'événement perturbateur qu'on évoque souvent dans les histoires ou dans les films. Vous avez d'ailleurs dans le domaine du cinéma, pour ceux que ça intéresse, vous avez Joseph Campbell qui a développé le concept du parcours initiatique de l'héros. Donc, quelqu'un qui vit un état A sur le plan psychique et confronté à un événement perturbateur, un événement désagréable qui l'amène à changer, qui l'amène des fois à travers un voyage initiatique et à faire face à des combats, à de l'adversité, à atteindre un état psychique B, un état psychique différent. Et ça, c'est la trame de l'histoire de beaucoup de films. Si vous regardez la Guerre des Étoiles, entre autres, c'en est une belle illustration. Donc, Luke Skywalker, qui est un jeune homme, qui est un agriculteur sur une planète donnée, est confronté à une situation difficile. Donc, les gens qui s'occupent de lui se font tuer. Et par la suite, il voyage dans le cosmos. Il est confronté à Darth Vader, à des gens qui veulent l'assassiner. Et passe à travers les obstacles et devient un chevalier Jedi. Donc, la personne au début est inconsciente, il rencontre ensuite un guide, c'est sous la forme d'Obi-Wan Kenobi, qui va le former et faire de lui un apprenti qui va devenir éventuellement un maître Jedi, un chevalier Jedi. Et ça, c'est le parcours de l'héros qu'on voit continuellement au cinéma, dans les romans, dans les histoires. Et c'est en parallèle le parcours de l'individu qui se conscientise. Non pas qu'à devenir un chevalier Jedi, mais dans le sens que l'individu qui se conscientise au début, il est inconscient. Ensuite arrive un événement perturbateur, donc un événement que l'ego ne désire pas, qui amène une transformation intérieure et il est confronté à des obstacles, l'adversité. Et si il réussit à passer à travers, eh bien, il atteint un niveau de réalisation personnelle supérieur à l'état avant qu'il connaissait, avant qu'il soit confronté à des obstacles. Donc, autrement dit, il est capable de tirer profit des obstacles et de faire de l'intégration de l'énergie de l'opposition et de son contact avec l'invisible pour atteindre un état d'évolution plus avancé. Et ça, malheureusement, face aux obstacles de la vie, il y a très peu de gens qui y arrivent. Donc, c'est une quantité très limitée de gens qui sont confrontés au processus de conscientisation qui réussissent à passer à travers les épreuves de la vie, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de martyrs de la conscience supramentale qui sont capables de passer à travers le processus et de vivre dans un état de paix mentale. Là. Donc, il y en a beaucoup qui vont se suicider, beaucoup deviennent dysfonctionnels, d'autres partiellement fonctionnels en société, et il y en a d'autres qui deviennent totalement fonctionnels en société avec de nouvelles capacités. Ça peut être le cas, entre autres, de certains médiums qui font de la consultation. et qui utilisent leurs capacités psychiques pour faire de la voyance, pour faire des traitements énergétiques, donc qui bénéficient de leur niveau élevé d'intériorisation, pour utiliser ces perceptions que les autres ne voient pas, pour apporter un aide ou un soutien à certaines personnes. Ça, c'est des fois lorsqu'ils se spiritualisent. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que le processus de conscientisation peut donner accès à des capacités que l'individu n'avait pas au préalable, mais pour en bénéficier, il faut qu'il soit capable de passer au travers. Et c'est là la problématique, parce que souvent, la facture à payer est très élevée. Dans le sens que, dans certains cas, le choc initial, ça peut être d'être victime de violences en bas âge, de négligence parentale, de mauvais traitements, perte d'emploi, rupture amoureuse. Donc, il y a toujours un prix au niveau de l'ego et de son confort à payer pour accéder à quelque chose d'autre. Donc, autrement dit, il faut faire le deuil de quelque chose d'ancien, une situation qui était confortable pour l'ego, comme une situation d'emploi très avantageuse. Lorsque la personne perd cela, bien, il faut qu'elle soit ouverte à intégrer quelque chose de nouveau pour atteindre une capacité psychique et un niveau d'évolution plus élevé. Et ça, c'est s'il réussit l'intégration, parce que l'intégration est difficile, puis il y en a beaucoup qui demeurent longtemps des martyrs de la conscience supramentale. Parce qu'une fois que la personne entre en contact avec l'esprit, et que la personne s'arrête suite à un événement difficile. Ça peut être une maladie grave. La personne se ramasse alitée et invalide au travail. Donc, comme elle a beaucoup de temps de manière solitaire, ben là, elle a l'espace pour s'intérioriser, pour vivre cette communication intérieure. Par contre, une fois que c'est établi, puis elle a passé à travers le choc, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est pas fini. Le processus commence. Parce que là, elle peut être fascinée par ce contact que les autres personnes de son environnement ne vivent pas. Et là, elle peut le colorer. Elle peut connaître une enflure de l'ego, que j'appelle. Donc, autrement dit, la personne qui atteint un niveau d'intériorisation plus grand que d'autres personnes, donc elle voit des choses que les autres ne voient pas. Donc, autrement dit, elle peut percevoir, par exemple, des choses par rapport à des individus, des animaux, des environnements, que les autres ne perçoivent pas. En réalisant cela, elle peut vouloir faire du pouvoir au niveau de l'ego. Donc, il y a certaines personnes qui vont vivre le complexe du petit dieu, du petit maître, du petit gourou, c'est-à-dire des gens qui vont se croire supérieurs aux autres parce qu'ils vivent un contact avec l'invisible et à ce moment-là, se croire tout puissant, invincible, plus intelligent que les autres. Donc, il y a des gens qui vont s'imaginer que parce qu'ils sont en contact avec l'invisible, ils vont être voués à diriger l'humanité, à siéger à l'ONU, diriger des pays, devenir des vedettes internationales. Il y a des gens qui vont s'imaginer qui sont littéralement des dieux, que leur corps va arrêter de vieillir en fonction de leur volonté, qu'ils peuvent avoir des activités sexuelles avec un paquet de partenaires sans nécessairement se protéger, qu'ils peuvent pas attraper de maladies sexuelles, qui peuvent avoir plein de femmes, que ça va marcher, avoir un couple avec plein de femmes. Ils peuvent s'imaginer toutes sortes de choses en lien avec cela. Parce que le contact peut amener un enthousiasme subjectif. Donc, autrement dit, la personne ressent une énergie qui l'habite, alors que ce n'était pas le cas avant. Et là, elle va s'imaginer qu'à cause de ça, elle a des super pouvoirs, un peu comme un super-héros qu'on voit au cinéma, là, que ce soit Batman, Superman, Spider-Man. Donc, la personne peut s'imaginer toute puissante avec ça et le sombrer dans le gouritisme, le délire sectaire. Et aussi, la personne peut s'imaginer que le fait qu'elle est en contact avec l'invisible, ça la protège de l'adversité par la suite qu'elle peut connaître dans sa vie. Donc, la personne peut prendre des risques inutiles par la suite dans son existence, en étant fascinée par le contact, en étant naïve. Elle peut faire toutes sortes de niaiseries. Hein? Il y a des gens qui sont en contact avec l'invisible. Ils se mettent à entendre des voix parce qu'ils sont intériorisés, fait qu'ils perçoivent une communication intérieure. Et là, dans certains cas, dans le pire des cas, ça tourne mal. Donc, la personne s'imagine entendre la voix de Dieu qui lui commande de commettre des actes terroristes. Puis là, elle va se faire exploser avec une bombe. Il y a d'autres personnes qui s'imaginent qu'on lui demande de devenir un preacher ou un gourou qui va amener l'humanité avec la lumière, puis là, elle se garoche devant la foule pour donner des conférences, écrire des livres, et elle se croit mandatée, missionnée. Elle développe le complexe messianique, elle s'imagine qu'elle est un sauveur, etc. Donc, le contact avec l'invisible, là, ça peut être extrêmement problématique. Et l'individu, une fois qu'il commence à vivre ce contact-là, c'est juste la pointe de l'iceberg par rapport à l'initiation qu'elle peut connaître, dans le sens que par la suite, elle peut se faire tester sa naïveté dans son rapport avec l'invisible pour voir à quel point elle va être fascinée par rapport à des projets. Fait que là, il y a des gens que ça leur dit intérieurement, mettre de l'argent sur la bourse, là, que certaines actions. Et comme la personne s'imagine que vu qu'elle est en contact avec l'invisible, ça va marcher automatiquement, ben, elle peut perdre des milliers et des milliers de dollars à la bourse. Donc, il y a des gens qui vivent des grandes désillusions parce que il y a des gens qui s'imaginent qu'à la différence de d'autres personnes qui jouent à la bourse d'une manière intuitive, c'est-à-dire acheter et vendre des actions sur le marché boursier, que ça va marcher. Donc, quelqu'un peut s'imaginer d'ailleurs qu'il est protégé par l'invisible, qu'il tout ce qu'il va faire, ça va fonctionner. Donc, à chaque fois qu'il va acheter une action, elle va tout le temps prendre de la valeur et l'esprit va lui dire quand que ça va lever le marché puis quand ça va baisser. Puis là, la personne peut s'imaginer qu'en faisant du day trading avec ça, elle va devenir multimillionnaire en suivant les conseils de l'esprit, alors que l'esprit peut le tester. L'esprit peut amener une personne à jouer à la loterie puis perdre des milliers de dollars aussi. Donc, il peut être testé là-dessus aussi. L'esprit peut dire à une personne de construire des hôtels dans le sud, là, puis que ça va devenir des lieux qui vont être fréquentés par des touristes, ça va permettre aux gens qui habitent dans ces endroits d'avoir du travail, donc favoriser la création de l'emploi de personnes qui autrement vivraient dans un état de pauvreté et de déchéance. Donc, la personne peut être amenée à faire certains projets au niveau d'hôtels ou des projets même humanitaires quelque part, vivent des déceptions. L'esprit peut dynamiser une personne pour toutes sortes de projets. Je pense notamment à une personne que j'ai connue il y a quelques années et qui avait eu l'intuition, l'idée qui provient de l'esprit, d'ouvrir un restaurant et que ça allait marcher. Donc, il achète un restaurant qui pouvait contenir 30 places et sous l'intuition, il a grandi le restaurant pour en mettre une centaine de places. Et il fait pas d'études de marché. Il vérifie pas si dans le secteur où est situé le restaurant, il y a un bassin de population potentiel pour aller à ce restaurant. Donc, il regarde pas si ça répond à un besoin, si le restaurant qu'il achète allait être en hausse d'achalandage parce qu'il y a de nouvelles constructions de maisons dans le secteur, donc des nouveaux clients potentiels. Non, il n'y a aucune étude de marché qui est faite. La personne sous intuition a investi des milliers de dollars et par la suite, ben, il n'y a pas plus de clients dans le restaurant et il est obligé de le fermer. Sous l'intuition d'une pensée. Et comme la personne vit un contact à l'intérieur d'elle-même que les autres ne vivent pas, puis des fois l'esprit lui donne des informations. Donc autrement dit, la personne peut faire de la voyance par rapport à d'autres personnes ou des événements et ça fonctionne. Elle s'imagine que ça fonctionne tout le temps. Et c'est là le piège. C'est pas parce que, par exemple, je peux avoir comme idée que demain matin, telle personne va m'appeler à telle heure et que ça se réalise que si j'ai l'idée de faire tel projet, ça va se réaliser également. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis même quelqu'un qui serait capable de deviner à chaque fois c'est qui la personne qui l'appelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va deviner à chaque fois c'est quoi le numéro gagnant à la loterie ou c'est quoi le titre boursier qui va augmenter en valeur. Même si la personne peut avoir de très bons résultats par rapport à d'autres personnes qui le téléphonent. D'ailleurs, par rapport à cette affaire-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je fais de la voyance, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je devine c'est qui. » Mais il faut faire attention, il y a les habitudes aussi. C'est sûr que si, par exemple, ta mère te téléphone à chaque soir à 7h, puis là tu dis « Ah, je devine que c'est maman qui m'appelle, puis il est 7h », ben c'est une question d'habitude. Donc, ça, c'est pas de la voyance, c'est tout simplement de l'ordre des statistiques. Ou si quelqu'un appelle une autre personne une fin de semaine sur deux, le vendredi soir, la personne se fait appeler puis elle devine que c'est elle, ben c'est parce qu'il y a une habitude qui est là. Par contre, si la personne devine qu'une autre personne l'appelle à un moment que ça arrive jamais, donc quelqu'un se fait appeler à 2h du matin, puis là, la personne devine exactement c'est qui l'appelle, alors que l'autre ne l'appelle jamais à ce moment-là parce qu'il est couché, bien là, on peut parler de voyance. Donc, il faut être prudent. Et la problématique, c'est que beaucoup de gens qui sont imprudents, je pense entre autres au cas d'une personne qui s'imaginait, parce qu'elle était en contact avec l'invisible, qu'elle pouvait bafouer certaines lois humaines, dans le sens que la personne, elle aimait conduire de la moto. Et là, la personne disait qu'elle pouvait rouler à 220 km/h en moto, alors que la limite est de 100 au maximum sur les routes au Québec, et qu'elle n'aurait pas de ticket d'infraction pour excès de vitesse. Donc, autrement dit, la personne s'imaginait être protégée. Puis là, la personne disait que « Ah, je roule sur la vibration! » Puis elle, dit, si, elle disait que si elle roule sur la vibration, là, il n'y en aura jamais de problème, l'esprit va le protéger, il n'y aura jamais de billet d'infraction, d'excès de vitesse, elle ne sera jamais arrêtée par la police, même si elle va à l'encontre de la loi humaine qui consiste à respecter la limite de vitesse. Donc, quelques années après, cette personne-là qui avait dit ça, je l'ai revue. Et la personne m'a dit, « Ah, j'ai arrêté récemment là, de faire de la moto, ça me coûtait trop cher de billets d'infraction. » Et c'était exactement la même personne qui, quelques années avant, se vantait de faire la moto, d'être au-dessus des lois humaines, qu'elle pouvait rouler à 220 km/h, alors que la limite est de 100. Puis elle était fière de ça, puis quelque part, elle se vantait de ça, tu sais. Puis là, quelques années après, non, j'ai arrêté, ça me coûtait trop cher de billets. Mais oui, mais elle était supposée être protégée par l'esprit. Faut croire que ça marche pas. Ou elle s'est mépris sur sa lecture vibratoire. Donc ça, c'est un autre aspect aussi. Quelqu'un peut recevoir une idée puis penser spontanément que c'est une idée qui est ajustée. Mais il faut vérifier intérieurement. Et là, ça demande du travail. Je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ce travail-là. Tout le temps, évaluer intérieurement si ça a du bon sens ou si ça n'en a pas. Puis le ressentir, la vibration qui est derrière l'idée qui est reçue, pour voir si ça tient la route, si la vibration est élevée ou si elle est basse et ça s'éteint. Quelqu'un peut recevoir l'idée de rouler à toute vitesse. Si elle s'arrête là, ben, elle peut se mettre à rouler à toute vitesse puis s'imaginer que c'est l'esprit qui lui dit ça et que c'est intelligent. Mais si elle va vérifier intérieurement, est-ce que de rouler à toute vitesse, c'est intelligent? Ça se peut que ça y réponde non, alors qu'il y a quelques secondes avant, ça lui suggérait intérieurement de rouler à toute vitesse. Donc, autrement dit, l'esprit peut tester l'humain en lui acheminant une idée qui n'est pas valide, qui n'est pas fonctionnelle. Et là, l'être humain doit contre-vérifier, c'est-à-dire poser la question, évaluer intérieurement par son senti, est-ce que ça tient la route de rouler à toute vitesse, là, puis au-delà des limites permises sur l'autoroute? Et si ça y répond non, ben, il est obligé de voir que quelque part, on a voulu le tester dans sa petite chie en lui acheminant cette idée-là. Et ça, c'est des tests là, que la personne peut vivre. Il y a différents tests. En plus de la moto, ça peut être de vendre des livres, donner des conférences. On peut dire à quelqu'un dans sa tête, écris un livre, publiant à des milliers d'exemplaires ton livre. Tu vas voir, ça va se vendre là, comme des petits pains chauds. Tout le monde va vouloir aller à tes conférences à un point tel que tu vas être obligé de refuser des gens à l'entrée de la salle de conférence. Donc, ça peut dire plein de choses intérieurement pour amener cette personne-là à se mettre en action puis diffuser du matériel. Et comme la personne a vu, puis c'est sincère, un contact intérieur, là, elle s'imagine qu'elle, ça va marcher. Donc, à la différence de d'autres personnes qui, ça fonctionne pas. Elle va se croire supérieure aux autres. Donc, il y a plein de gens qui dans le domaine de l'édition de livres, même pas sur la conscience, des livres normaux, ça se vend pas. Surtout au Québec, le marché est tout petit, il n'y a presque pas de lecteurs, et la situation va sans doute pas aller en s'améliorant dans le temps, étant donné que les gens font de la lecture sur Internet au lieu d'acheter des livres. Donc c'est sûr que si les gens lisent des sites Internet ou des documents en PDF, pourquoi à ce moment-là, ces gens-là vont se mettre à dépenser soudainement des milliers de dollars pour acheter des livres imprimés, alors qu'ils ont tout accès chez eux dans leur confort, dans leur foyer, devant l'ordinateur? Donc pourquoi qu'ils vont se déplacer à des conférences ou également à la librairie acheter des livres? C'est sûr que je me permets d'être sceptique. Peut-être que si c'est très bon, oui, ils vont se déplacer, oui, ils vont acheter des livres, mais encore là, je veux dire, il faut quand même être prudent par rapport à tout ça, parce que ça peut amener l'individu à vivre des déceptions inversement proportionnelles aux illusions qui sont amenés par des pensées dysfonctionnelles dans sa psyché ou des pensées de test, si on préfère. Donc, il y a plein de gens qui sont testés et souvent le problème, c'est une question d'orgueil qui entre en jeu et c'est là que les gens se font récupérer. Et beaucoup de films est sur ce sujet-là, hein, la question de l'orgueil qui piège les individus, qui les amène à être déraisonnables, dysfonctionnels, etc. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, si je pense à une personne, j'ai pas à donner de nom, là, mon but, c'est pas nécessairement, à travers cet enregistrement, là, de discréditer certaines personnes, de nuire à leur réputation professionnelle, mais c'est plutôt de tirer profit, en fait, des observations que j'ai faites, parce que ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse aux gens qui œuvrent dans le domaine de la conscience et j'observe beaucoup de gens qui souffrent de cette conscience, qui sont des martyrs, littéralement, de la conscience supramentale. Donc, on prend une personne. Et la personne n'est pas en contact avec l'esprit. Donc, la personne va ouvrir un magasin ou un restaurant et ça ne fonctionnera pas. Elle ne fait pas d'études de marché. L'autre personne, elle vit un contact intérieur, ça lui parle intérieurement, ça la dynamise. Et là, au lieu de faire une étude de marché, elle va dire « Ah, l'autre, ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas conscient, parce qu'il n'y avait pas une vibration aussi haute que la mienne, parce qu'il n'était pas ci, il n'était pas ça. » Puis là, la personne s'imagine être supérieure aux autres, puis elle va dire « Parce que c'est moi, là, parce que moi, là, je suis en contact avec l'esprit, moi, je vais ouvrir mon commerce, moi, je vais jouer à la loterie, moi, je vais jouer à la bourse, puis moi, je vais faire des millions. » Parce que c'est moi qui est en contact avec la vibration. C'est moi qui l'a l'affaire. C'est moi qui est conscient. C'est moi qui est intelligent. Donc, la personne va être dans le moi, le je, qu'elle va surévaluer. Puis, elle peut vivre des désillusions égales ou plus grandes à celui qui n'avait pas pris les précautions pour, par exemple, ouvrir un commerce ou faire certaines actions. Donc, c'est sûr que de mon point de vue, que la personne soit conscient, pas conscient, faire une étude de marché avant de se lancer dans un projet, c'est important. Tâter le marché. Donc, au lieu de se garrocher puis partir en fou là, avec un excès d'enthousiasme là, dans le domaine de la conscience, puis ensuite se mettre dans le pétrin. Là. Donc, vérifier si c'est réel. Puis c'est sûr que ce que je vous parle, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, j'en conviens. Et c'est peut-être pour la raison pour laquelle j'ai pas nécessairement beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, parce que l'essentiel de mon discours, c'est de faire preuve d'esprit critique, de faire preuve de discernement, de ne pas croire l'invisible. C'est pas très vendeur. C'est sûr que si je dirais aux gens que si vous êtes en contact avec l'invisible, vous allez voir, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez voir, votre esprit, c'est un ange pour vous. Il va être là pour répondre à tous vos caprices. Ou faire des formations où ce que tu dis à la personne en 4 étapes, vous allez devenir multimillionnaire. Vous avez juste à suivre les étapes, puis utiliser le pouvoir de la pensée magique. Utiliser le pouvoir de la pensée positive pour envoyer des bonnes ondes. Un discours de même, là, ça pourrait attirer des milliers de personnes ou dire que vous avez juste à faire quelques prières ou de communication avec l'invisible, vous allez pouvoir vous auto-guérir facilement. Non. Mon discours vise plus à être réaliste ou même dans certains cas pessimiste. Face à l'invisible, dans le sens que être plus critique que passé. Et je vous dirais que dans mon cas, ce qui m'a empêché de me laisser séduire par rapport à certaines idées que j'ai reçues par rapport à des projets, c'est le fait qu'en tant qu'âme, je suis une personne extrêmement pessimiste. Quand que je dis pessimiste, c'est par rapport au fait que j'ai tendance, si on me présente un verre d'eau, à le voir à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et que si on me présente un projet, j'ai tendance en premier à penser aux failles plutôt que m'enthousiasmer rapidement par rapport à lui puis s'imaginer que ça va fonctionner, surtout si le projet est dirigé entre guillemets par des gens conscients ou des initiés, des nouveaux initiés. Non, je suis, moi, de mon point de vue, un être humain conscient ou pas conscient, il n'y a pas nécessairement de passe-droit. Et c'est pas parce que la personne a touché un peu de conscience dans sa vie qu'il y a eu un peu d'intuition, un peu de télépathie ou un peu de voyance, que ça veut dire automatiquement que tout ce qu'il fait va se changer en or, en réussite et va devenir multimillionnaire. Donc, ce qui m'a aidé, ça a été dans ma vie, c'est pour ça que je vous en parle, pour pondérer mon rapport avec l'esprit, ça a été le pessimisme. Ça, j'ai pas nécessairement de mérite parce qu'en tant qu'homme, depuis que je suis jeune, je suis pessimiste. Donc, en tant que personnalité, dans ma personne, je suis pessimiste. C'est sûr que là, c'est peut-être l'une des premières fois que j'en parle aussi explicitement puis ouvertement dans un enregistrement, mais je sais que c'est pas très vendeur. Donc, souvent, quand les gens vont voir un conférencier ou qui écoute un enregistrement, ce qu'ils veulent, c'est de l'enthousiasme, c'est de dire « Ah oui, ça va marcher, si tu veux, on peut, yes, oui, la vie est belle, vous allez voir dans la vie, là, vous avez juste à vouloir, puis vous allez devenir multimillionnaire, puis c'est facile, puis on peut faire de l'argent facilement, puis les portes vont s'ouvrir à vous, vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes quelqu'un d'important ». Vous êtes vraiment là des êtres exceptionnels. Vous êtes des dieux, vous êtes des ci, des ça, avec la voix, avec le sourire. Puis là, on en vend, puis on se fait dire ce qu'on veut entendre en tant qu'ego. Puis là, on se gonfle, puis là, on est motivé. Hein? Les motivateurs nous disent qu'on est beau. Tandis que moi, c'est mon discours est pas comme ça. Le point que je veux en venir, c'est sûr que la pensée critique, la pensée aussi pessimiste... C'est pas très vendeur. D'ailleurs, il a fallu que je pondère mon côté pessimiste avec le temps parce que souvent, quand les gens me parlaient de projets, j'avais tendance à voir qu'est-ce qui marcherait pas par rapport au projet plutôt qu'être ouvert au projet. Et j'ai réalisé avec le temps qu'il fallait que je fasse attention parce que là, je pense à une personne proche de moi qui, elle, a été une conférence là, sur des produits de beauté, puis là, elle était enthousiasmée par la conférence, puis là, elle dit « Ah, je vais devenir vendeuse de produits de beauté ». Et là, elle était toute enthousiaste là, par rapport à ça, elle a acheté un bon montant d'argent de produits de beauté, et moi, c'est sûr qu'intérieurement, depuis le départ, j'avais l'impression que ça ne fonctionnerait pas, qu'il y avait un risque qui était inutile qui était pris là, en achetant tous ces produits de beauté. Et bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Et bien sûr, le fait que j'y ai dit dès le départ que j'évaluais que ça ne fonctionnerait pas, elle n'a pas aimé ça. Puis à quelque part, elle ne m'avait pas demandé mon avis, fait que j'ai fait interférence sur sa vie. Et à quelque part, je comprends qu'elle n'aime pas ça, que cette personne-là, que j'ai fait preuve de pessimisme. Mais en même temps, je voulais partager mon point de vue, mais j'ai manqué de tact. Donc, dans certains cas aussi, il faut laisser les gens vivre leurs illusions, puis ensuite la ballonne pète tout seul, donc il y a des choses que les gens doivent vivre, et c'est correct. Par contre, j'ai le droit d'être pessimiste par rapport à moi, dans le sens que si j'évalue que telle chose, il y a tel risque, ben je le sais pour moi, mais j'ai pas à imposer ça à autrui, j'en suis conscient. Donc, par contre, c'est sûr que pour moi, dans le rapport avec l'invisible que j'ai, la prudence est de mise. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des raisons qui fait que je suis encore en vie. J'ai présentement l'âge de 36 ans, alors que mon contact avec l'invisible a commencé à l'âge de 17 ans. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop enthousiastes en tant qu'âme. Moi, c'était le contraire, j'étais pessimiste. Fait que ça m'a aidé, ça m'a protégé dans une certaine mesure par rapport à un abus de naïveté, de confiance en l'esprit. Parce que des gens qui sont enthousiastes avec l'esprit, ça peut les amener à faire de véritables conneries, dans le sens qu'il y a des gens qui, sous un coup de tête, là, vont se mettre à investir des milliers et des milliers de dollars pour, par exemple, se faire construire un commerce. Ensuite, il y a des gens qui vont faire toutes sortes d'actions là, qui vont les mettre dans le pétrin. Donc, j'ai passé une forme d'initiation, c'est-à-dire être en contact avec cette énergie-là sans devenir gaguet. Jusqu'à présent, il faut que je sois prudent aussi. Il ne faut pas je dire ce que j'ai nécessairement passé à travers toute l'initiation parce que à ce moment-là, je peux m'illusionner. Il faut aussi réaliser que de mon point de vue, il ne faut jamais se mettre sur un piédestal puis s'imaginer qu'on est au-dessus des autres. Donc, autrement dit, la personne qui vient en contact avec l'esprit, si elle s'imagine qu'à partir de ce moment-là, elle va être protégée contre les maladies sexuelles, puis elle n'a pas à employer de moyens de contraception ou de préservatifs, puis de dire ça au monde, ben elle peut mettre sa vie puis d'autres personnes en danger. Donc, il faut pas nécessairement s'imaginer qu'on est au-dessus des règles ou... le bon sens commun. Donc, dans l'intelligence du sens commun, comme par exemple prendre une assurance automobile ou prendre une assurance habitation, de mon point de vue, quelqu'un qui, surtout au début de la fusion, qui peut vivre beaucoup d'illusions, ben, de mon point de vue, c'est plus approprié de continuer à prendre les précautions usuelles que monsieur et madame tout le monde prennent dans leur vie, plutôt que de s'imaginer que l'esprit protège puis arrêter de payer pour une assurance maison ou habitation. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à moi. Moi, dans mon cas, ce que vous devez savoir, c'est que je continue à payer une assurance automobile. Je continue à payer une assurance habitation à chaque année. Puis j'imagine pas, parce que je vis une communication avec l'esprit, que je suis capable de lui parler à voix haute, que pour autant, j'ai droit dans la vie à un traitement de faveur et qu'il m'arrivera pas de problème. Donc, il faut pas devenir naïf. Il faut pas s'illusionner par rapport à ça. C'est sûr que dans l'enregistrement que je fais maintenant, je me répète beaucoup, mais c'est important parce que c'est le piège qui guette beaucoup de personnes. Et quand les personnes souffrent trop du contact avec l'esprit, bien ces martyrs de la conscience supramentale se suicident. Et là, ça c'est vraiment un bout qui est lourd à dire, qui est pas agréable à dire, mais c'est que, à quelque part, quelqu'un qui gère mal des contacts avec des êtres invisibles, s'il n'en fait pas une gestion intelligente, ben, il vit un état de possession, il vit un état de fascination, puis un état de délire. L'un des phénomènes contemporains que j'étudie, c'est celui des jeunes hommes dans la vingtaine qui vont commettre des actes terroristes. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les médias, mais quand il y a des gens qui commettent des actes terroristes, c'est pas des messieurs qui ont 60 ou 70 ans. Ben non, c'est toujours des jeunes dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine. C'est sûr que si je poserais la question à un psychologue ou un psychiatre de sciences occidentales, pourquoi des jeunes dans cette catégorie d'âge? Ben, il y a des gens qui me répondraient, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'expérience de la vie, comme quelqu'un de 70 ans, qui s'est défaite d'une certaine naïveté au fil des épreuves, des chocs. Et aussi, c'est que dans la vingtaine, c'est l'âge où ce que la schizophrénie va se manifester. Le premier épisode schizophrénique, à moins qu'il soit devancé par une psychose toxique, donc quelqu'un, par exemple, qui va fumer de la marijuana, qu'on s'apprête d'ailleurs à légaliser au Canada, bien, si le jeune, il fume de la marijuana à l'âge de 12 ans, puis il vit une psychose toxique, au lieu de vivre l'état de psychose à 20 ou 30 ans, bien, il a vie à 12. Donc, à ce moment-là, il y a à composer avec un contact avec l'invisible qui est induit par rapport à certaines substances. Et là, il y a des gens qui vont me dire, comment ça, des substances physiques ont un impact entre la relation entre l'individu puis l'invisible? La raison est simple, c'est que tout est interrelié. Le visible et l'invisible, c'est interrelié. D'ailleurs, si vous prenez la matière et vous la décomposez, en bas des atomes, il y a un niveau subatomique, puis en bas du niveau subatomique, bien, il y a des protons, neutrons, donc il y a les quartz et ainsi de suite, et éventuellement, il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est de l'invisible. Donc, si l'énergie est sous-entendue dans la matière, bien, il y a une interrelation entre les deux. Ce qui fait qu'il y a des jeunes qui vont vivre un état de psychose toxique à 12 ans, d'autres 14 ans, et le fait de légaliser la marijuana va banaliser, dans certains cas, l'entrée de ces jeunes en état de psychose toxique, étant donné que le jeune va dire « Ah, ben si c'est légal, ça doit pas être si pire que ça. » C'est sûr qu'il y a des choses à mettre en contexte par rapport à ça. Il y a des avantages aussi à la légalisation de la marijuana. C'est pas l'objet de cet enregistrement de faire le débat. D'ailleurs, j'ai produit un enregistrement avec Olivier, si ça vous intéresse de l'écouter sur cette chaîne par rapport à la drogue et la conscience, où on aborde ce sujet de long et en large pour apporter toutes les nuances adéquates là, pour faire face à la réalité du phénomène de la drogue. Mais pour en revenir à mon sujet d'aujourd'hui, les martyrs de la conscience supramentale, c'est que les jeunes dans la vingtaine, d'un point de vue psychiatrique, matérialiste, donc, quelqu'un qui se met à entendre des voix dans vingtaine, c'est un épisode psychotique parce que c'est des êtres qu'on ne voit pas sur le plan physique. Et là, on part du principe qu'automatiquement, il hallucine. Et là, sous l'influence de ces hallucinations, il y a des gens qui sont amenés à commettre des crimes, mettant leur vie et celle de d'autres personnes en danger. Donc, quelqu'un va se faire exploser avec des bombes, là, puis il s'imagine que c'est la volonté de Dieu, puis il s'imagine qu'à cause de ça, il va devenir un saint, un martyr, qui va avoir une belle place au paradis, avec 72 vierges ou je ne sais trop quoi. Là. Donc, c'est un petit peu absurde, mais sous l'influence de croyances, l'idée qu'il reçoit de l'invisible, mais là, il va commettre un crime. Donc, c'est sûr que Du point de vue matérialiste, quelqu'un qui vit un contact avec l'invisible suite à un choc, un événement traumatique, on parle d'entrée en psychose. Et par la suite, en lien avec ça, si c'est pas contrôlé, c'est pas géré, ben la personne dans un état de psychose, de perte de contact avec la réalité physique sous l'influence de perceptions, d'éléments qui sont pas physiques, ben elle peut commettre des actes qui sont extrêmement dangereux. Ça, c'est de l'interprétation psychiatrique le conventionnel. L'interprétation supramentale du même phénomène, c'est que dans la vingtaine, le jeune qui entre en contact avec l'esprit ou des entités, avec le monde des esprits, devrais-je dire, puis il n'est pas préparé à ça, bien, soit qu'il passe l'initiation ou il ne passe pas. C'est-à-dire, soit qu'il est capable de composer avec cette réalité ou d'autres. Et ça se fait suite à un choc. C'est sûr que le domaine psychiatrique et psychomental se rejoignent par rapport au fait que dans les deux cas, on dit que lorsqu'un premier contact est établi avec le monde des esprits, ça c'est supramental, par le reste de sa vie, la personne est susceptible de vivre d'autres communications avec eux, au même titre que dans le domaine psychiatrique, on va dire que lorsque la première entrée en psychose est faite, pour le reste de la vie, la personne est susceptible d'en vivre d'autres et vivre des hallucinations. Dans ce que dans le domaine supramental, on dit que c'est pas des hallucinations, mais des contacts avec des entités qui sont réelles. Donc, c'est communication interne. Donc, c'est une interprétation différente du même phénomène qui, autrement dit, dit que suite à un choc, et des fois, c'est lorsque le jeune, dans vingtaine, déménage, quitte sa ville pour aller étudier dans une autre ville, quelqu'un qui part d'un milieu rural pour aller en milieu urbain, ça peut représenter un choc pour lui, à l'ego. Et lorsqu'il n'est pas capable d'encaisser le choc ou de composer difficilement avec lui, ben là, il perd contact avec la réalité parce qu'il n'est pas capable de composer avec la réalité. Et c'est là que, d'un point de vue supramental, il se fait astraliser parce que l'ego n'est pas capable de contenir l'adversité. Et d'un point de vue psychiatrique, c'est là que la personne vit des hallucinations pour garder à distance une réalité sur le plan physique qu'elle n'est pas capable d'assumer. Ce qui revient grosso modo assez au même, c'est juste le vocabulaire qui change et le fait que dans un certain cas, on part du principe que les entités qui sont perçues des hallucinations, alors que du point de vue supramental, elles sont réelles. Et c'est sûr que de mon point de vue, les entités sont réelles parce que la pensée n'origine pas de l'individu. Et d'un point de vue psychiatrique, on va dire, ah ben là, quand il y a des idées qui font émergence dans la psyché d'un individu, qui font pas partie, par exemple, de l'action qui se déroule ou qui n'ont pas rapport avec la conversation, on va dire que ah, c'est des idées qui viennent de l'inconscient. On va attribuer ça à l'inconscient. Oui, mais l'inconscient, il y a un dos large hein, pour amener des idées qui n'ont aucun rapport. Et pourquoi que l'inconscient amènerait une idée plutôt qu'une autre? Ah, ben là, on va dire que c'est en fonction des traumatismes vécus du passé qui peut être réactivé par un événement. Oui, mais encore, si l'idée, si la pensée a une intention puis une direction, c'est parce que quelque part, il y a une intelligence derrière. Mais là, on va expliquer ça d'une autre façon. Puis là, dans le fond, au niveau psychanalytique, on a des réponses à toutes, puis au niveau du supramental aussi. Fait que, mais c'est la distinction entre les deux, c'est que au niveau psychanalytique, on perçoit pas la vibration derrière les pensées. C'est juste une étude de la forme, alors qu'au supramental, on l'aperçoit. Et c'est lorsque la personne a la sensibilité de percevoir les vibrations derrière les pensées qu'elle est obligée à un moment donné de réaliser que la réalité est liée à un continuum énergétique qu'elle peut percevoir avec sa sensibilité. Et si elle est capable de gérer adéquatement ses perceptions, elle passe du statut de martyr de la conscience supramentale, de gestionnaire de cette conscience. Donc, à ce moment-là, a réussi à s'équilibrer et devenir bien dans sa peau, mais c'est extrêmement difficile parce que le fait de composer avec la pensée, c'est pas tout. Elle doit composer avec le fait que les gens de son environnement ne vivent pas, pour la plupart d'entre eux, ce contact à cette époque-ci de l'humanité. Donc, elle vit une forme de marginalité à ce moment-là, malgré elle, parce qu'elle ne l'a pas choisi. Donc, de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, c'est très difficile pour l'ego parce que les gens ont désir d'avoir des gens qui vont les supporter là-dedans, des gens qui vont les consoler, les comprendre, et elle ne peut pas nécessairement aller chercher une forme de réconfort subjectif de son environnement ou d'une confirmation de son vécu de son environnement immédiat dans beaucoup de cas, ce qui fait que les personnes trouvent ça très difficile de composer avec cette réalité. Il y en a qui vont vivre des états de dépression en lien avec ça, puis il y en a qui vont se suicider. Il faut dire les vraies choses aussi, hein. C'est composer avec le plan supramental, c'est pas un cadeau. C'est pas une partie de plaisir. Et plus que la personne étudie le plan mental, plus qu'elle réalise les difficultés inhérentes à composer avec ce plan d'énergie. Et lorsque je commençais à vivre le processus il y a quelques années, dans ma naïveté spirituelle, je souhaitais que tous les êtres humains sur Terre un jour s'éveillent. Je souhaitais ci, je souhaitais ça. Mais aujourd'hui, au contraire, je veux surtout pas que des gens s'éveillent alors qu'ils n'ont pas à s'éveiller ou brusquer les choses parce que ça occasionne beaucoup de souffrance, ce processus d'éveil de conscience. Donc, autrement dit, au lieu de vouloir sauver, entre guillemets, tout le monde et les amener à passer à la conscience, au contraire, j'observe que s'il y en a qui ont à passer à la conscience, c'est correct. Et s'il y en a qui n'ont pas à passer à la conscience, c'est correct aussi. Donc, mon point de vue change. Donc, si j'ai à communiquer quelque chose à quelqu'un, je vérifie si j'ai la vibration de le faire ou non au préalable. Parce que si j'ai pas la vibration de le faire, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, c'est une perte d'énergie. Donc, je communique pas d'informations à des gens qui sont pas capables d'absorber parce que ça risque de plus leur nuire que de les aider. Et ça, c'est un élément important à prendre en considération. Et après tout, je veux pas amener des gens inutilement dans des processus d'initiation et d'en faire des martyrs de la conscience supramentale, et c'est l'une des raisons fondamentales pourquoi, là, que dans mes enregistrements, je répète souvent que c'est important de pas croire et de surtout pas croire ce que je dis et ce que je viens de dire. Vérifiez par vous-même si c'est réel. Et ça, c'est la plus belle chose que je peux faire pour respecter l'intégrité psychologique des gens qui écoutent les enregistrements, c'est de pas leur imposer de croyances et les amener à juger par eux-mêmes, en les invitant à développer leur discernement qui va être utile pour faire preuve de gestion intelligente par rapport à toute forme d'informations qui leur sont acheminées par des êtres visibles ou invisibles. Voilà l'essentiel de mon propos.